Merci les gars. Merci les gars. Je tiens à dire et à remercier tous les gens de la session d'hier, ils m'ont bien fait triper, j'ai réécouté, c'est pour ça que je ne vous ai pas rejoint tout à l'heure quand vous étiez sur le Ninja Murph Space, c'est Moonbot, got a radio, and he's on recording, that's so easy, Moonbot, got his radio, and he's on recording, that's why. That's why I didn't join you there. So glad you came. So glad you came. I know it ain't long. you know it ain't on my show. It ain't on my show. Je suis beaucoup plus en jazz. autrement, j'ai plus d'inspiration aujourd'hui. Hier, je suis en train de faire plein de trucs. Moi j'aime beaucoup. Dis-moi encore. Beaucoup donné. Give me some groove. Give me some groove. Give me some groove. Give me some groove. Give me some groove. Give me some groove. Thank you. Des gens qui viennent et qu'on est la hype. Moi je suis en train de faire autre chose. J'ai toujours pas fait le truc que je voulais faire en plus. Je laisse un peu ça. Ah ouais, et donc j'ai un nouveau logiciel. Je sais pas comment, j'ai pas vérifié du tout, j'ai fait aucun test sur la gueule de mon master. Je sors pire fort ou quoi? Tu me dis, hein. We'll be right back. de faire des trucs, je suis désolé, c'est pour ça. Ça y est, pardon. Sol, c'était pas sol majeur, c'était pas diminué. Un do dièse majeur là, c'est ça, non? Mineur là, j'ai. Do dièse augmenté. Pas la batterie de merde là. Thank you. Thank you. Thank you. C'est bon, c'est bon. We'll be right back.